Penses-tu là qu'à Maton, moi j'ai faim, puis qu'il y a une loi qui me dit que je peux pas tuer un lièvre, que je vais m'en empêcher? Ça marchera pas, là. Ben, c'est sûr que si tout le monde est affamé, la police, ça peut pas être partout, puis les gardes de braconnage non plus. T'as Mais du monde affamé, tu les envoies la police et ça se peut qu'ils reviennent pas, la police. non, c'est ça. C'est que s'il y a un chaos social qui est mis en place en lien avec une période de crise, d'inflation, de manque de ressources, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, les forces de l'ordre ne pourront pas contenir la masse. Ben non, la masse va qu'on va manger les forces de l'ordre. Je veux dire, on pense qu'on est bien civilisé, mais quand on le voit par certaines situations, c'est pas long, là. Ça réapparaît la barbarie. Il y a Non, du monde exact. qui ont mangé leurs enfants. Tu sais, quand t'es faim, t'as plus toute ta tête. Non, non, ben c'est ça. C'est qu'il y en a qui vont s'adonner au cannibalisme. C'est comme dans certains coins de l'Union soviétique, quand il y a eu des famines, ben les enfants disparaissaient. Ben, c'est sûr, le monde, il cherchait à manger. C'est comme certaines particularités culinaires de certains coins, on voit que c'est lié à une mémoire d'événements. Pourquoi est-ce que dans certains coins de la Chine, on donne des vertus médicinales à l'écorce de certains arbres? Ben, c'est souvent des régions où, à un moment donné, la famine était tellement grave que les gens arrachaient l'écorce des arbres pour la manger. Puis ils découvraient comme ça des choses. Mais comment ça se fait que, par exemple, il y a des pays en Europe qui ne mangent pas de cheval, mais en France, ils mangent du cheval? Mais c'est à certaines époques qu'il y a eu des guerres puis que la population était. Bon, dans l'indigence pas mal, ben il y avait de la viande de toutes sortes d'affaires à vendre. Il y avait de la viande de chat, de chien, de cheval, de. Il y a pas une créature sur Terre qui n'a pas des recettes. T'as des recettes pour tout ce qui existe. Dans le sens que l'être humain, c'est pas long qu'il redevient pragmatique quand il n'y a pas le choix. Puis là, tu peux pas empêcher les gens de. Je veux dire, c'est des forces de survie. Donc, moi, c'est pour ça que je considère qu'ils jouent un jeu dangereux, là. Parce que d'habitude, quand tu commences à affamer les populations, c'est difficile à gérer. C'est ça qui a fait tomber, dans le Oui, mais fond, le par orgueil, ils communisme. peuvent se croire au-dessus de ça avec l'utilisation de technologies massives et de propagande médiatique à caractère hypnotique omniprésente dans la vie des individus là, qui sont exposés au téléphone intelligent, les notifications sur leur montre, Ben là, sur l'écran quand t'as d'ordinateur. faim, là, ton téléphone, quelqu'un qui a le ventre vide, là, penses-tu qu'il va être hypnotique dans la propagande sur le téléphone? C'est Mais comme quelqu'un qui est en manque de drogue grave, ça revient à ça, quelqu'un qui est affamé. Tu sais, c'est pour ça.